Je te dis pas merci. Hein, c'est pas la peine. P2OP sur la vie et ses dilemmes. Écoute ça, Je te dis pas merci quand tu m'as regardé passer, laissant parler mon âme et toute mon humilité. Le compliment de l'autre a embrumé tes yeux, pendant que mon instinct disait fais attention vieux. Catégorie de gens qui se laissent porter par l'envie de détruire l'existence de ceux qui aiment le mot vie. Sur la portée, j'ai bien écrit toute ma partition, comme emporté par une de mes plus belles visions. J'ai tissé le plus beau linge, sentant la clarté, comme en ticher de l'un pour l'autre au milieu de la beauté. Et vague à l'âme sur le beat, telle en sera la couleur, justifiant ce qu'on appelle une personnelle rancœur. Que le peuple comprenne bien que fermer le poing, comme un final de lassitude en partant si loin. Accepter le futur comme une belle théorie, pendant que ces ordures ne suivent que le sursis. Augmenter la capacité sur le fil de ces mots, une écorce qui se détache et plus souple est le boulot. Qualificatif, j'ai posté tout ça comme une lettre, sans plus jamais me dire que ça changera peut-être. L'autographe est bien signé avec l'encre du mal-être. Fallait pas m'assigner et je regarde par la fenêtre. En fait, j'ai bien compris où en est la chaleur, laissant parler la dérision comme un dur labeur. Je forcerai la porte, celle qu'on décrit le bonheur, en ressentir aussi toujours une belle odeur. Pas celle de la pollution qui étouffe mon avenir, passer du froid au chaud en gardant le souvenir. Bien aiguisé, afin de préparer le bon, sans jamais constater où pique bien le frelon. Béatitude, et j'en garde le sourire, une habitude qui restera l'envie de devenir. Je te dis pas merci quand t'envoies mon compte en banque, j'en ai plus, la France m'a bloqué dans la tourmente. Aussi fraîche sera la suite, comme un thé à la menthe. Il ne reste plus qu'à aspirer toujours le mot attente. On est plein à se demander si on ne fait pas un rêve, quand est-ce que l'on verra la définition du mot trêve. Un rien qui te fait comprendre toujours que l'on t'achève, ne plus croire la galette en espérant la fève. La couronne n'est plus celle du roi des cons, elle brille au gré du vent et je la laisserai au bouffon. Et tirer sur la corde jusqu'à temps qu'elle se casse, attendant d'éviter les connards et leurs menaces. Ne m'apprends pas à écrire que sur la métaphore, ça fait bien longtemps que j'en sens tous les raccords. Le couplet bien final, où est le drapeau à damier? J'ai remonté la montagne et j'ai même quitté les palmiers. Je te dis pas merci quand on voit le résultat, avoir frôlé la mort et finir perdre tes fracas. De toutes les prétentions, j'en redoute la solution, syndrome d'une vision qui n'en est qu'une addiction. Que le monde est pitoyable, je préfère baisser les yeux, laissant parler mon âme plutôt que d'être dans le piteux. État de la constance, car l'humain est égoïste, ne pensant qu'à sa gueule pendant que toi tu quittes la piste. C'est triste, je n'arrive même pas à être libre, j'ai donné mon cœur, tiré dessus avec un calibre. L'homme est touché, et toujours c'est bien réel. On m'a descendu humilié face aux sentinelles, rebelle. Mais je n'ai plus cette étincelle, rabotez-moi la gueule, j'ai pris un coup de pelle. Demain est un autre jour et puis-je enfin le voir, au milieu d'un bel amour, sortir de ce couloir. Hein, sortir de ce couloir.